Situation particulièrement tendue, les policiers parlent de légitime défense, des témoins avancent. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui voulaient venger la mort d'Aboubacar Fofana. Alors, eh bien, l'urgence aujourd'hui, c'est de connaître les raisons de cette mort. Vont à ce jeune homme, à sa famille, aux habitants de ce quartier. Et la priorité aujourd'hui, c'est le retour au calme. Hey, la ville est enflammée, que toute la France vienne les condamner. En vrai, les têtes sont brûlées. Sur BFM, on n'entend pas les jeunes des quartiers. Feu aux antennes télévisées, vous racontez que de la merde. Aboubacar s'est fait tuer par un tir à galerie. Hey, j'ai la haine, mais pas autant que sa famille. Je suis végé, mais je vois les poulets retirer. Niquer leur face de Robocop, les démembrer brutalement sans vergogne. Ah ouais, on tire sur les gens comme ça. Le préfet ment sur la version des faits. Urgemment, faut que se bouge l'État. Usage d'armes n'est pas usage de jouer. Brûler des caisses, c'est pas anodin. Vous croyez vraiment que tout va bien? Le keuf a menti, je l'ai appris ce matin. Dans nos marches, ça résonne, à cap dans nos têtes, ça résonne, à cap dans nos cœurs, ça résonne, à cap dans nos vies, y'a trop de travail. Ziyed, Bouna, Rémi, Adam, Afik, relaxé, agent, brasier, pas de justice, pas de paix, trop de misère, peu de baisse, Zadis, Donar, jeune de test, tous unis pour foutre la merde, dans leurs armes et pleines de hyènes, marque la mort, soit dans l'air. Je veux pas faire de bise sur le dos de la haine, mais je pourrais écrire des kilomètres, de lignes droites sur le fruit de ma peine, tellement les dirigeants brisent nos rêves, bave tout renoir, rebeu, même combat, privilégié par ma couleur de peau, j'ai toujours pas ce que disent les journaux, lucide à fond sur ce qui se passe autour de moi. Racisme ordinaire ou racisme d'état, se mettre à la place et pas prendre la place, laisser les opprimés parler de leur histoire, c'est comme ça que devrait penser la masse. Dans nos marches ça résonne, à cap, dans nos têtes ça résonne, à cap, dans nos cœurs ça résonne, à cap, dans nos vies y'a trop de ravages. Radio Cayenne, il est 23h21, on remercie Nouge pour ce merveilleux morceau qu'on vient d'écouter, qui parle un peu des émeutes au Breil, entre autres, voilà, des violences policières, tout ça, et moi je vais essayer de vous faire un petit peu un point sur qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays par rapport aux exilés, aux migrants en général, migrants, migrantes. Ce sera pas exhaustif et c'est préparé à l'arrache, donc voilà, je vais faire ce que je peux. Et je pense juste un des trucs qui peut déjà donner un peu une vision, bon, je sais c'est un peu déprimant mais voilà quand même, c'est de lire rien que les unes des articles en fait qu'il y a sur le site infomigrant.net. Et du coup, juste les titres, déjà ça donne une ambiance entre guillemets. Donc je vous fais ça. Tunisie, racisme en Tunisie, ils nous lapident, nous jettent des pierres et nous traitent de singes. Esclave en Tunisie, le calvaire d'une migrante ivoirienne séquestrée par une riche famille de Tunis. Suède, la Suède s'apprête à durcir sa loi sur la reconnaissance des mariages étrangers. Qu'en est-il dans les autres pays de l'UE ? Actualité, Libye, désespéré, un migrant somalien détenu en Libye s'immole par le feu. Bosnie-Herzégovine, nouveau heurt entre migrants et policiers à la frontière, plusieurs blessés. Une Suédoise poursuivie après avoir empêché l'expulsion d'un migrant afghan. Etc, etc. Donc voilà, ça annonce un peu le ton. On a vraiment l'impression qu'il y a toujours des horreurs et des mauvaises nouvelles. Donc voilà, mais c'est un site intéressant sinon. Hein. Non mais vraiment. Et du coup, bah, justement, j'avais envie de creuser un peu sur la Bosnie et l'Italie. J'ai eu le temps que de faire ça et je vais faire ça comme je peux. Donc voilà, je vous préviens, ça ne sera pas parfait. Et du coup, on va peut-être commencer par la Bosnie. Et du coup, en fait, ce qui se passe en Bosnie, c'est que du coup, il y a un peu un afflux de migrants. Mais en fait, c'est pas tant un afflux, c'est que d'habitude, la Bosnie, en fait, c'est un pays de passage, quoi. En fait, il y a des exilés qui passent par la Bosnie et qui veulent rejoindre d'autres pays de l'Europe et qui sont, en fait, bloqués en Bosnie-Herzégovine à cause, en fait, de la Croatie qui ferme sa frontière. Et du coup, un article d'Infomigrant qui est daté du 8 octobre explique que le commissariat aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a appelé la Croatie à ouvrir rapidement des enquêtes sur les allégations de violences policières et de vols à l'encontre des demandeurs, demandeuses d'asile et autres migrants, ainsi que sur les cas d'expulsion collective. Et donc, du coup, Cette commission s'inquiète particulièrement du recours systématique à la violence des forces de l'ordre croates à l'encontre de ces personnes, y compris les femmes enceintes et les enfants. La responsable s'appuie sur les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, selon lequel sur 2500 migrants expulsés par la Croatie, 700 ont accusé la police de violence et de vol. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu contextualiser ce qui se passe à cette frontière. Et du coup, ben, quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 19 octobre, il y avait un autre article qui expliquait les Bosniens, j'imagine les Bosniens bosniennes, hein, s'organisent face à l'afflux de migrants. Et donc ça explique, depuis plusieurs mois, des milliers de migrants arrivent en Bosnie-Herzégovine. Pour eux, ce pays ne devrait être qu'une étape vers l'Europe, mais la Croatie voisine a refermé ses portes. Ils sont des milliers coincés dans la ville frontalière de Bijak, dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles, alors que l'hiver approche. Mais ils peuvent compter sur la solidarité de nombre de Bosniens bosniennes. Bon, ça c'est un petit peu rassurant et ça fait plaisir, c'est toujours... Enfin, c'est souvent le cas. Les États sont racistes et xénophobes, mais les populations, elles, sont souvent quand même, au moins pour partie, mais quand même, ça représente beaucoup de gens, sont solidaires, en fait, et juste humains, et ils accueillent les gens et ils les aident. Et donc, le dernier article qu'on peut lire, qui date du 25 octobre, Bosnie, nouveau heurt entre migrants et police à la frontière, plusieurs blessés, et celui-là, je pense que je vais vous le lire en entier. De nouveaux heurts ont éclaté mercredi entre des migrants et des policiers à la frontière entre la Bosnie et la Croatie. 3 migrants ont été blessés au cours de ces échauffourées. La frontière séparant la Bosnie et la Croatie est de nouveau un lieu d'affrontement entre migrants et policiers. 3 migrants ont été blessés mercredi 24 dans des heurts avec les forces de police bosniennes et croates. C'est à proximité du poste de frontière de Maljevac, près de la ville bosnienne de Velika Kladuša, désolé pour la prononciation, que les échauffourées ont éclaté pour la seconde fois de la semaine. Une centaine de migrants-migrantes se sont dirigés vers la frontière avec la Croatie, tentant de se frayer un passage à travers un cordon de policiers bosniens. Ils ont été stoppés par une colonne de la police anti-émeute des deux pays. Deux policiers ont également été légèrement blessés par jets de pierre, blablabla, blablabla. Bla bla. Là, le poste frontière de Maljevac avait déjà été témoin de violences la veille lorsque des policiers bosniens ont empêché environ 250 migrants de s'approcher de la frontière croate. La Bosnie, devenue l'année dernière une nouvelle étape sur la route des Balkans, a accueilli environ 20 000 migrants depuis le début de l'année 2018. Plusieurs milliers de personnes se sont installées au nord-ouest du pays dans la région de Bijak. Et de Velika Kladuša, dans l'espoir de passer la frontière avec la Croatie et d'entrer dans l'Union européenne. Donc on s'attend à ce que ça fasse des campements de type Calais, hein, voilà, une frontière fermée et des gens qui s'accumulent à la frontière dans des conditions pas top. Et que pour l'instant, ils sont, j'allais dire, que 20 000 à avoir été, du coup, ils peuvent encore être à peu près accueillis, mais... Bon, bah voilà, on imagine que ça va être compliqué, débordé par les arrivées de migrants et contrainte par les demandes de Bruxelles d'installer des centres d'hébergement loin de la frontière de l'UE, voilà. Les autorités bosniennes ne sont pas encore parvenues à mettre en place des centres d'hébergement au nord-ouest du pays, alors que l'hiver approche. La plupart des migrants-migrantes séjournent encore dans des campements de fortune, donc c'est grave la merde en Bosnie. Et voilà, grosse violence policière, en fait, à la frontière bosno-croate. Voilà, ça, c'était les nouvelles un peu proches de nous. Enfin, j'allais dire proches parce que c'est l'Europe, voilà. Bah, après, en fait, je voulais plutôt parler de l'Italie. C'est assez proche aussi. Et puis après, on partira un peu plus loin. Du coup, pour l'Italie, bon, c'est un peu plus... Enfin, j'allais dire, c'est un peu plus compliqué. C'est pas nécessairement plus compliqué, mais c'est juste que il y a énormément d'articles... Et que du coup, j'avais envie, je crois, de revenir sur l'affaire de Riace. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire, mais en fait, Riace, c'est une petite ville italienne où du coup, le maire a été accusé d'aide à l'immigration clandestine parce que, en fait, il accueillait un peu les migrants, etc. Il avait une politique assez intéressante et du coup, il s'est fait condamner par la justice italienne. Etc. Et du coup, bon, il y a plusieurs rebondissements dans cette histoire et je pense qu'on va lire du coup les dernières nouvelles qui sont publiés du 18 octobre sur le site infomigrant.net. Italie, le maire de Riace, Domenico Lucano, interdit de séjour dans sa propre commune. Le maire du village de Riace en Italie, village italien connu pour sa politique d'accueil des migrants, a vu ce mardi son assignation à résidence, oui parce qu'il était assigné à résidence, levée, mais la justice l'a interdit de séjour dans sa propre commune. Voilà, c'est merveilleux. Donc nouveau coup dur pour Riace, petit village italien connu pour sa politique d'accueil des migrants. La justice italienne a interdit à son maire le séjour dans sa commune. L'édile était en résidence surveillée, hein, quand même, depuis le 2 octobre, date à laquelle il a été interpellé par la police pour aide à l'immigration clandestine. Il est soupçonné d'aider à l'immigration clandestine pour avoir favorisé des mariages blancs afin d'aider des femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie. Il est aussi accusé de s'être passé d'appel d'offres pour attribuer la gestion des déchets de son village à des coopératives liées aux migrants. En gros, il aide les gens à avoir un petit boulot, à avoir une place dans son village, et voilà, il se fait en gros épingler par le gouvernement, puisque effectivement, bon mais peut-être... Je lis l'article. Les avocats du maire réclamaient devant le tribunal la levée de l'assignation à résidence. Bon, ça, ça a été fait, voilà, blablabla. Ce dernier a donc recouvert la liberté, mais il est interdit territoire de sa commune, qui est quand même considérée comme un modèle en matière d'intégration des migrants. Voilà, c'est un village donc de 1800 habitants qui faisait partie d'un dispositif qui s'appelle le SPAR, système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés, et qui consiste du coup à des centres, enfin en fait à mettre en place des centres gérés par les municipalités locales qui sont subventionnés par les versements publics, quoi. Voilà. Mais évidemment, le gouvernement populiste italien, formé du parti d'extrême droite La Ligue et du mouvement anti-système 5 étoiles, remet actuellement en question ce système d'accueil des migrants dans les petites structures qui profitent à bon nombre de communes. Ils expliquent ça aussi parce qu'ils expliquaient que ce système d'intégration, enfin, système d'intégration, j'aime pas trop ce mot-là et tout, mais en vrai, ce dispositif d'accueil, enfin, le fait que ces communes-là, elles favorisaient l'installation des migrants et leur accueil, leur intégration dans la vie, en fait, du village, et ben, ça permettait aussi à plein de villages qui étaient grave en galère de se repeupler, de recréer un peu de la dynamique, de l'emploi, enfin, plein de choses. Et que du coup, en fait, bah, plutôt tout le monde était trop content de ça et était d'accord aussi avec ça. Mais voilà, le gouvernement, il va chercher les maires dans leur commune, il les fout en procès, il les interdit de territoire. Et pire que ça, quelques jours plus tôt, le ministère de l'Intérieur, dirigé par le chef de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, a pris la décision de vider la ville de Riace des quelques 200 migrants encore insérés dans le village. Donc non seulement... il vire le maire, il lui interdit d'appliquer sa politique d'accueil. Et en plus, il vire les 200 migrants qui ont été accueillis dans le village. Voilà. Bon, évidemment, la décision est controversée, elle a suscité l'indignation, etc., etc. Mais bon, c'est pour expliquer un petit peu ce qui peut se passer en Italie. Après, il se passe aussi plein d'autres trucs. Enfin, on a eu vent, évidemment, hein, des blocages de bateaux en Méditerranée, des choses comme ça. Je vais pas revenir dessus. Et peut-être j'avais envie plutôt de parler d'un article. Alors, bon, c'est un article qui date d'il y a plus longtemps, qui parle plutôt de cet été. Et donc ça parle de ce qui s'est passé en Italie cet été. Donc c'est daté du 31 août, hein, donc c'est un petit peu plus vieux. Mais le titre, c'est quand même 9 fusillades en 50 jours, la fastidieuse du racisme en Italie. Et bon, c'est un article un peu long, je sais pas si je vais tout lire quand même. Mais en vrai, ça, c'est assez intéressant et choquant à la fois. Et ça explique que, ben justement, ouais, voilà, en 50 jours, dans le pays, ils ont recensé 9 fusillades sur des personnes, alors ils appellent ça minorisées. Mais en fait, c'est des attaques présumées ou ouvertement racistes contre les minorités. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Et du coup, où des gens, quand même, ouvrent le feu sur d'autres personnes, sous prétexte qu'elles sont effectivement... exilés, Rome ou quoi. Et du coup, il y a eu plusieurs blessés, donc c'est toujours des coups de feu. ça a l'air souvent d'être plutôt des personnes un peu isolées, enfin, ou des tout petits groupes de personnes, scooters, voitures ou quoi, qui ouvrent le feu en fait sur les gens et qui soit les blessent, soit les tuent. Et du coup, c'est assez hallucinant. Et bah, je vous invite à lire cet article parce que je crois que je vais pas le lire entièrement, mais voilà. Bref, c'est un vague résumé de ce qui peut se passer en Italie. Et pour finir, du coup, j'avais envie de parler de ce qui se passe au Mexique. Du coup, là, c'est tiré du Facebook du CRAN, mais en vrai, je pense qu'il y a plein d'infos un peu partout. Eux-mêmes citent le Figaro, c'est pour dire. Et donc, du coup, ça explique ce qui se passe donc, de l'autre côté de l'Atlantique, entre le Guatemala et le Mexique. Le gouvernement mexicain, sous la pression de l'administration Trump, envoie ses forces anti-émeutes à la frontière pour bloquer le passage de milliers de personnes honduriennes voulant rejoindre les États-Unis. Et on a une photo. Une impressionnante colonne de réfugiés honduriens arrive au Mexique. Et on a effectivement une grosse manif avec, je sais pas, des milliers de personnes, vraiment, qui traversent un pont. On imagine être la frontière, puisque c'est un pont sur une grosse rivière, là. Et on voit, en fait, les grilles anti-émeutes et le gros dispositif policier qui bloque le passage des gens. Voilà. Oui, à cab, effectivement. Et bon, je crois que j'en ai fini pour les nouvelles. C'était très partiel, hein, désolé. Mais voilà, désolé, c'était pas très réjouissant. Mais je pense qu'on va pouvoir passer un peu de musique avant un super agenda.